Psaume 70. Psaume de David, pour faire souvenir, donné au maître chantre. Ô Dieu, à toi de me délivrer, ô Dieu, à toi de venir à mon aide. Que ceux qui cherchent mon âme, soient honteux et rougissent, et que ceux qui prennent plaisir à mon mal, soient repoussés en arrière et soient confus. Que ceux qui disent, ah, ah, retournent en arrière pour la récompense de la honte qu'ils m'ont faite. Que tous ceux qui te cherchent, s'égaient et se réjouissent en toi, et que ceux qui aiment ta délivrance, disent toujours, magnifié soit Dieu. Or je suis affligé et misérable, ô Dieu, à toi de venir vers moi, tu es mon aide et mon libérateur, ô Éternel, ne tarde point.